بسم الله الرحمن الرحيم. طيب من هذا اليوم سندخل في كتاب الأدب dans le nouveau livre qui est le livre du comportement, qui est une chose qui est très importante car le comportement après le tawhid c'est ce qui pèse le plus lourd dans la balance. طيب الخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لتتمة الأخلاق, j'ai été envoyé pour pouvoir compléter justement les nobles caractères, les nobles comportements. Et le comportement du musulman reflète sa science. Car ce ilm que l'on acquiert, le but c'est de l'appliquer. Comme on dit, le ilm c'est un arbre et l'application c'en est les fruits. Et le adab, le comportement n'est pas forcément ce qu'on a avec les gens, mais c'est aussi ce qu'on a déjà avec Allah Azzawajal, avec nous-mêmes et ensuite avec les autres. Il y a des choses qui font partie du bon comportement que personne ne voit. Ne pas s'imaginer que le bon comportement, ça se limite à être poli, courtois, à rendre le droit aux gens seulement. Ça est bien plus large que cela. D'accord. Donc le comportement, ça, là, ça va être cité quand tu manges, quand tu bois, quand tu vas aux toilettes, d'accord, quand tu recherches la science, quand tu pars à la salade, toutes ces choses-là, il y a un comportement à voir. Badal Mu'allifu, à Wallen, notre fidèle, est Salif ou Salafin. Badelmiya, 103e leçon. Bab al-ilm. En premier lieu, le chapitre de la science. Qala, fi su'al al-khamis wa sab'in wa mi'a ba'd alf. 1175e question. Manhum warasat al-anbiya. Manhum warasat al-anbiya. Qui sont les héritiers des prophètes? Et ceux-là, les ma'louf, sont les ulama. Kama dja fi hadith Abi Darda. قال سمعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بغض وافر. Qu'il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que les ulama sont eux les héritiers des prophètes, car les prophètes n'ont laissé ni dinar ni dirham, c'est-à-dire ni argent ni or, mais ils ont laissé la science. Donc les savants sont les héritiers des prophètes, d'où leur grand rang et leur grand statut. Rao Ahmed. ثم قال في السؤال السادس والسبعين ومية وبعد ألف 1170e question. من هم الذين شاهدوا على وحدانية الله وحدانية الله عفوا عز وجل. Donc quels sont ceux qui sont ceux qui ont témoigné de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute chose? Il s'agit de al-mala'ika wa al-ilm, les anges ainsi que les gens de science. Kafikullah azza wa jal shahid Allah annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu al-azizul hakim. Que Allah a témoigné qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adoré si ce n'est lui, ainsi que également ses anges ainsi que les gens de science équitables, ainsi que les gens de science équitables. La ilaha illallah, il est certes le puissant et le sage. Al-Imran, verset 18. ثم قال في السؤال السابع والسبعين ومئة وألف 1177e question. لمن تستغفر الحيتان في البحر. Pour qui est-ce que les poissons, les animaux marins, on dira, demandent le pardon dans l'eau? Pour qui? Ce n'est pas pour eux, car eux, ils ne sont pas mukallaf, ils n'ont pas de péché. Donc ils le font pour le mu'allim al-nas al-khayr, celui qui enseigne aux gens le bien. Comme dans le hadith de Abu Umama al-Bahili, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على مُعَلِّمِ الناس الخير. Qu'il est dit que certes Allah ainsi que ses anges, même la fourmi dans sa fourmilière, ainsi que l'animal marin, d'accord, là ils disent la yusalloun, il veut dire quoi? Qu'ils demandent pardon. Et la salat d'Allah pour sa créature, pour ses serviteurs, c'est le fait de faire son éloge, d'accord, car Allah ne demande pas pardon parce qu'à la base c'est lui qui pardonne. Mais celle de la salat des anges ainsi que des animaux dans ce hadith là, c'est leur demande de pardon. Pour qui? Pour Mu'allim al-Nas al-Khayr, celui qui enseigne aux gens le bien. Rawahu at-Tabarani. Donc, vous voyez l'importance de la chose. Et entre autres, car le mu'allim, celui qui enseigne le bien aux gens, cela profite même aux poissons dans la mer, comme cela a été dit par l'imam al-Maqdisi, Ibn Qudama, car ce mu'allim enseigne aux gens comment se comporter même avec le poisson dans l'eau, pour que son droit lui soit rendu. Donc cela profite à tout le monde. À la fourmi, par exemple la fourmi, l'homme qui enseigne aux gens le bien, enseigne aux gens de ne pas tuer les fourmis. Donc pour elle, c'est une préservation. D'accord ? C'est une préservation pour elle. Sauf dans des cas précis où le fait de les tuer est permis. On l'a expliqué, parmi les animaux qu'on ne tue pas, la fourmi. Comment les gens vont le savoir ? Par celui qui enseigne le khayr. Donc la fourmi demande pardon pour cet homme-là. Car, alhamdoulilah, elle se voit protégée par la science. Elle en tire avantage, elle aussi. ثم قال في سؤال 79 و 100 و 1000 1179 question ما حكم طلب العلم maintenant c'est quoi le jugement de طلب العلم قال فريضة على كل مسلم l'obligation sur tout musulman comme dans le hadith d'Anas ibn Malik قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم la recherche de la science c'est une obligation pour chaque musulman apportée par le Bayhaqi tamam et là on avait fait un audio par rapport à cela sur le statut de la recherche de la science sur le site. Et il y a des choses qui sont obligatoires aux musulmans de savoir et d'autres qui lui sont recommandées. Et après, pour savoir s'il faut partir ou ce genre de choses, quand obéir aux parents, quand ne pas obéir aux parents. D'accord ? Tout ça, c'est détaillé dans l'audio pour ceux qui veulent revenir. Pour ne pas qu'on allonge le cours ici. Car dans la science, il y a ce qui est obligatoire individuellement, fard ayn, et ce qui est obligatoire communément, qui est fard kifai. Si jamais certains s'en chargent de façon d'un nombre suffisant, les autres n'ont pas à le faire. Mais il y a des choses que le musulman doit savoir, doit connaître, obligatoirement. Fumakal, Fisuel Fani wa Famanin wa Mia wa Elf, 1182e question. Bima za mathala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, manu alim al nas al khayy wa yamsa nafsa. Par quoi le Nabi sallallahu alayhi a comparé à celui qui enseigne le bien aux gens qui s'oublie lui-même? Il s'oublie lui-même. Lui, il a l'exemple d'une lanterne qui éclaire les gens mais qui se brûle lui-même. Car dans le hadith de Jundub ibn Abdullah al-Asdi, قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج أو سراج يودي الناس ويحرق نفسه. Que l'exemple du savant qui enseigne aux gens le bien mais qui s'oublie lui-même, à l'exemple d'une lanterne qui éclaire les gens qui se brûlent et qui se brûle elle-même. Apporté par Tabarani. Et ça c'est aussi parmi les caractéristiques. Cela peut être blâmable quand la personne elle-même, ce n'est pas elle s'oublie, si elle contredit elle-même volontairement ce qu'elle dit aux gens. Elle dit aux gens de faire quelque chose et elle-même ne le fait pas volontairement. Bien qu'il est obligatoire d'interdire aux gens de faire le mal, mais il est également obligatoire de le délaisser toi aussi. D'accord ? Il est obligatoire de le laisser toi aussi par rapport à ça. Mais le blâme le plus grand, c'est pour celui qui interdit et qui fait délibérément et qui se permet de faire la chose. Il se permet de faire la chose. Il se la voit lui, ou il fait apparaître aux gens ce qu'il ne fait pas, ce qui n'est pas en lui. Il se fait passer pour un homme pieux alors que ce n'est pas le cas. Pour un homme droit alors que ce n'est pas le cas. Tout le monde fait des péchés, tout le monde fait des erreurs. D'accord ? Cela est une chose qui est certaine. Cependant, l'être humain, il est sincère. Il ne se fait pas passer pour ce qu'il n'est pas. Maintenant, tout le monde est de la gêne. C'est sûr que demain, quelqu'un va faire un péché, il ne va pas le faire devant tout le monde. D'accord ? Mais c'est pas après, plus tard, il va venir voir les gens comme s'il était quelqu'un qui ne faisait pas ce péché-là de façon absolue et qui critiquait tous les autres qui le faisaient. Normalement, il y a stahi al-nafsik, al-nafsi. Il est gêné. Il ressent une gêne, bien évidemment. ثم قال من هما المنهومان اللذان الاشبعان qui sont maintenant les deux personnes, on va dire, prises d'une certaine cupidité qui ne sont jamais rassasiées. D'accord ? Il s'agit de Talib al-Ilm et de Talib al-Dunya, celui qui recherche la science et celui qui recherche la dunya. Ils ne sont jamais rassasiés. Dans le hadith d'Anas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man humun fil ilm la yashba' wa man humun fil dunya la yashba' » Celui qui recherche la science, réellement, sincèrement, il aime cela. Il ne s'en lasse pas, il ne s'arrête pas. Même comme l'imam Ahmed, du berceau au cercueil. Et Kazalik, celui qui accroché à la dunya, il ne s'arrête pas. Il n'a jamais fini d'amasser de l'argent et des biens. Il ne s'arrête pas. Raoul Hakim. Qu'al ma huwa qaid al-ilm fi suwal al-arabiyya wa 80 wa 100 wa 1000. 1184e question. Par quoi est-ce qu'on retient la science? On la retient par l'écriture. d'accord, par l'écriture. Tout le monde n'est pas forcément apte à mémoriser, mais tout le monde est en mesure de pouvoir écrire, parmi ceux qui savent le faire. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qayyidou al-ilm bil-kitab. Retenez la science en l'écrivant. Quand la fissoua le khamis wa thamanin, wa miyad bar alf, 1185e question. Ma hukm man yakzib ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, quel est le jugement de celui qui ment et qui ment délibérément sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prépare sa réponse et qu'il prépare sa place au feu. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kazaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu min an-nar, celui qui ment sur moi volontairement, d'accord, qui prépare son siège au feu. Muttafaqun alayhi. Donc celui qui sort des hadiths mensongers, inventés, et qui le sait sciemment, ou qui le fait sciemment, lui il rentre dans ce hadith-là. Car le mensonge peut être involontaire en arabe, en langue arabe. On peut se tromper. C'est le fait de dire une chose qui n'est pas conforme à la réalité. On appelle ça un mensonge en arabe, kazib. Mais là, le Nabi Sallam parvient à celui qui le fait volontairement. Ou qui sort des choses sur la religion volontairement, il ment. Ce hadith-là le concerne, wal'a'yadhu billah. ثم قال ما جزاء من كتم العلم وهو قادر على ان على تبليغه. Quel est le jugement de celui qui le jugement sur celui qui, ou plutôt quel est la السؤال السادس وثمانين ومئة بعد ألف 1185e question. Quelle est la rétribution de celui qui cache la science alors qu'il peut la transmettre, qu'il sera revêtu d'un vêtement de feu, il sera revêtu d'un vêtement de feu. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man souila an ilmin fa katamahu uljima yawm al-qiyamah bilijam min an-nar. Que celui qui questionne à propos d'une science et qu'il la cache, qu'il ne le dit pas, il sera revêtu d'un vêtement de feu le jour de la résurrection. Raou Ahmed. Souvent, car les gens, quand tu les interroges sur des choses que eux veulent cacher, car eux-mêmes s'y opposent ou savent que cela ne va pas à leur avantage, ils le cachent. Et ça, c'est la façon de faire des juifs également. Ça, c'est la façon de faire des juifs. ثم قال في السؤال السابع وثمانين ومية وألف 1187e question. كيف تكون توبة من كتم العلم ولم يبلغه للناس. Maintenant, c'est quoi la Toba? C'est celui qui aura caché justement cette science dont les gens ont besoin et qui n'aura pas fait retransmettre aux gens. Car les gens l'ont fait, après ils font Toba. Mais cette Toba, elle a des conditions. Quelle en est-elle? قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Sauf ceux qui sont repentis et qui ont réparé et qui ont déclaré, ceux-là, je l'accepte leur repentir et je suis certes le grand accueilleur au repentir et le miséricordieux. Al-Baqarah, verset 159 à 160. Donc il doit réparer, il doit dire ce qu'il a caché et dire qu'il a caché et retransmettre. Il ne suffit pas de dire je m'excuse, je fais tauba. Non, il y a des choses à faire derrière, il y a des conditions. Ça, c'est valable pour tout péché à la base. Plus d'autres conditions, c'est minimum à faire. C'est se repentir, demander pardon à Allah, réparer l'erreur qui a été commise et déclarer l'erreur commise pour les gens concernés. Pour les gens concernés. Donc, quand c'est une chose de le da'wah qui est lu sur un livre, un audio, d'accord, que la personne a fait une grosse erreur, par exemple, elle doit le déclarer par rapport à ça. ثم قال في السؤال 88 و 1188 question. كيف ينزع العلم في اخر الزمان. Comment est-ce que la science sera retirée à la fin des temps. بموت العلماء, par la mort des savants. Nous l'avons cité dans un des cours précédents par rapport à la mort des quatre plus grands imams de cette époque, qui étaient Ibn Baz, qui étaient Ibn al-Faymin, qui étaient Ibn Hadi al-Wadi'i et qui étaient al-Albani. La science est partie, elle est restée, mais eux sont partis. D'accord. Mais la science qui est restée, ce n'est pas comme s'ils avaient été présents. Ce n'est pas pareil. Les livres, les audios, ça ne vaut pas la présence de Dieu Alim en lui-même. Bon, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yakbidu l'ilm intiza'an, yanza'uhu min l'ibad, walakin yakbidu l'ilm biqabd l'ulama. Hatali, iza lam yabka aliman, حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فافتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا. que Allah Azzawajal ne retirera pas la science en la rachant des poitrines des gens, mais cependant par la mort des savants, à tel point qu'il ne laissera plus un seul savant et que les gens iront vers des ignorants, ils interrogeront et ces gens-là feront des fatawa sans science et ils s'égareront et égareront les autres. Et aujourd'hui, en cette époque, malheureusement, on dirait que les gens n'ont même pas attendu que les savants meurent pour aller voir les ignorants et avoir des fatwas sans science. Aujourd'hui, les savants sont présents et pourtant des gens s'avancent à répondre à des questions qui ne sont pas de leur ressort. Ou se mettre à émettre des discours, avoir des positions, ou émettre des avis qui ne sont pas de leur ressort. Et les savants sont encore présents. Donc comment cela va être lorsqu'ils vont partir ? Voilà le Musta'an. Fabien Connaktafi, ou Alhamdulillah.